Histoire d'amour ou affaire d'État. Le 27 octobre 1979, un Français d'origine guyano-indochinoise, Robert L., est abattu de 2 balles dans la tête par des tueurs devant son domicile à Villeneuve-sur-Lot. Un assassinat commis de toute évidence par des exécuteurs professionnels. Mais qui pouvait en vouloir à ce modeste peintre décorateur? L'enquête démontre très rapidement qu'il faut regarder en direction de l'Afrique. En effet, elle y a récemment séjourné et à cette occasion, il aurait noué une idylle avec l'épouse d'un chef d'État particulièrement susceptible et jaloux. Ce président s'est-il vengé de l'homme responsable de son infortune conjugale? C'est la première idée qui vient à l'esprit des enquêteurs qui cherchent à identifier les tueurs et leurs complices afin de remonter jusqu'au commanditaire. Mais la justice ne semble guère décidée à suivre. C'est si vrai que 8 mois seulement après l'assassinat de L, le juge d'instruction chargé de l'affaire rend une ordonnance de non-lieu. Manifestement, le pouvoir politique qui tient encore ses magistrats n'a pas très envie qu'on découvre la vérité. Une vérité particulièrement embarrassante pour les autorités. Des services de police ont dissimulé sur ordre des documents importants et des officines parallèles ont été mêlées à l'affaire. Bref, il flotte au-dessus de ce dossier une forte odeur barbouzarde. Et en cherchant bien, on peut même y respirer quelques relents de pétrole. C'est en tout cas ce que pense M. X qui décidément connaît bien les affaires africaines. Un mot encore. Si je ne donne pas le vrai nom de L, c'est que ce chef d'État africain est vraiment très très susceptible. Il me semble que j'ai récemment entendu sur votre antenne un écrivain, un spécialiste de l'Afrique, qui a inventé une curieuse expression, la France-Afrique. Oui, je l'ai également entendu. C'était un matin dans Question Directe, si je me souviens bien, le livre de François-Xavier Verchave. Je l'ai reçu, s'intitule « Noir silence », c'est bien ça, hein? Oui, c'est exact. Alors pourquoi France-Afrique? Parce que cette expression résume bien les rapports étroits et ambigus que nous avons longtemps entretenus avec les pays africains qui ont accédé à l'indépendance en 1960. Ouais, nous en avons souvent parlé ici même. Hein? Et l'actualité ne cesse de nous rappeler que les réseaux de droite puis de gauche, et quelquefois les deux ensemble, ont mis en coupe réglée ces pays francophones, avec la complicité de toutes les autorités. Oui, françaises et africaines. Bien entendu. Et cette affaire, elle, en est une parfaite illustration parce qu'elle met en lumière ce système et tous les liens obscurs que cela suppose. D'accord. Alors, par où commence-t-on, hein? Je voudrais d'abord vous parler d'un endroit curieux, dans le Lot, près de Sainte-Livrade, exactement. De quoi voulez-vous parler, là? Du CAFI, c'est-à-dire du centre d'accueil pour les Français d'Indochine. Un ensemble de baraquements, un ancien camp d'hébergement où ont été regroupées des familles essentiellement eurasiennes après notre départ d'Indochine. Des couples mixtes donc? Oui, des soldats français mariés à des vietnamiennes, et leurs enfants bien sûr. Il faut noter que parmi ces anciens soldats se trouvaient pas mal de types eux-mêmes originaires de notre empire colonial. Et c'est là qu'a grandi l'homme dont je voudrais vous parler, Robert L. Ensuite, comme beaucoup d'autres jeunes du camp, il a quitté le CAFI et il s'est installé avec sa femme tout près, à Villeneuve-sur-Lot. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas allé très loin. Et c'est là qu'il a exercé son métier de peintre en bâtiment. Quel genre d'homme était-ce? Un garçon sportif, un peu rêveur, mais également un bon professionnel. Elle a même un petit talent de décorateur. Un garçon sans histoire. Tout à fait. Mais en 1975, sa vie bascule. Que se passe-t-il alors? Un de ses camarades d'enfance du CAFI, un certain Boy, lui propose de le rejoindre en Afrique. Où exactement? Écoutez, je préfère ne pas situer le pays. Mais pourquoi? Vous voulez vraiment avoir un procès? Non. Alors appelons ce pays, si vous le voulez bien, le Gwanda. Donc les époux, elle, et leurs 2 enfants décident de partir. Parce que ce camarade lui a promis quelque chose, du travail? Oui, du travail très très bien rémunéré. Comme peintre? Peintre décorateur, oui. Boy a de bonnes raisons pour ça. Il appartient à la garde présidentielle et il est très introduit dans l'entourage même de la famille du président. Appelons-le Douala. Encore un nom d'emprunt. Oui, c'est préférable, enfin je poursuis. Elle trouve rapidement du travail et en 1977, il se met à son compte. Seule ombre au tableau, Madame Elle ne se plaît pas en Afrique et elle préfère revenir à Villeneuve. Ouais, mais elle reste là-bas, lui. Oui, car ses affaires prospèrent. La sœur de l'épouse du président lui confie alors la décoration d'un magasin de vêtements dont elle est propriétaire. Le voilà lancé. C'est ça. Et un jour, dans ce magasin, il rencontre Marie-Rose Douala. Marie-Rose Douala, c'est l'épouse du président ? Une très jolie personne qui ne laisse pas le peintre indifférent. Et elle ? Écoutez, je ne veux pas me faire l'écho des ragots qui courent la capitale à l'époque, mais enfin, il faut bien dire que le ménage Douala a connu beaucoup d'orages. Soyez quand même plus précis. Bon, eh bien, sans rentrer vraiment dans le détail, le président a, semble-t-il, commis quelques écarts. Et Marie-Rose n'aurait pas été en reste. Enfin, il faut ajouter que jusque-là, la jeune femme n'a pu donner d'enfant à son mari et ça n'arrange rien. Voilà, conseiller conjugal. Oh, pardonnez-moi, mais c'est vous qui avez insisté. D'accord. Alors, Marie-Rose et elle... Bon, tant qu'on puisse le savoir, la présidente apprécie beaucoup le peintre. Il se revoit donc. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, cette inclination de Marie-Rose pour le français ne passe pas inaperçue. Vous voulez dire que le président Douala est rapidement mis au courant, ça ? Bien entendu, le système qu'il a mis en place est tel que peu d'informations peuvent lui échapper. Par conséquent, il sait et il n'apprécie guère. Jaloux. Très jaloux, oui, mais enfin, il y a autre chose. Je vous écoute, ceci. L'affaire devient aussi politique. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que les incartades de Marie-Rose mettent à chaque fois le président dans un état dépressif tel qu'il n'a plus le goût de s'occuper des affaires de l'État. C'est un effet très préoccupant. Et la deuxième raison ? Eh bien, la présidente appartient à un clan très puissant. Si lui prenait l'envie de s'opposer à son époux, elle pourrait mettre en péril le pouvoir de ce dernier. Vous voyez donc que la vie privée de la présidente n'est pas sans importance dans la conduite des affaires gouvernementales. Ouais, j'ai bien compris. Donc... Le président sait, hein, et comment va-t-il réagir ? Ah, violemment. Elle est arrêtée par la police. Il faut peut-être un prétexte, non ? Bah, il est accusé de trafic de drogue et de cassettes pornographiques. Il y a un peu de vrai là-dessous ? Bah, franchement, je n'en sais rien. Enfin, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ouais. Donc, ces accusations, c'était des prétextes, soyons clairs. Quoi qu'il en soit, elle est d'abord mise au secret, puis les autorités guandaises décident de l'expulser. Et on demande à ses amis de la garde présidentielle de le surveiller en attendant. Ses amis ? Il y a celui qui l'a fait venir au Rwanda. Oui, le dénommé Boy, et un capitaine, lui aussi originaire du Kafi, un certain D. Et pourquoi eux ? Ben parce qu'ils connaissent bien elle, parce qu'on va bientôt leur confier une mission de confiance, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Est-ce qu'elle a essayé de faire intervenir la présidente en sa faveur ? C'est normal, non ? Oui, mais la présidente a quitté le Rwanda. Ah là, quitter l'Afrique, elle aussi. Mais pour quelle raison, là ? Bah, elle est furieuse contre son époux et elle est partie bouder à Paris dans l'un des deux appartements que le couple présidentiel possède dans la capitale française. Alors, la présidente est partie et elle va être expulsée. Oui, une expulsion très étrange. Très étrange ? Bah, je vous ai dit que ces deux amis de la garde présidentielle allaient être chargés d'une mission spéciale. Eh bien, celle-ci consiste à accompagner elle jusque chez lui à Villeneuve-sur-Lot et de veiller sur lui pendant quelques jours. J'ajoute, et c'est très important, que les deux anciens du CAFI vont être eux-mêmes secondés par Carré, un ancien policier français qui dirige officieusement les services secrets guandais. Ouais. L'affaire est donc jugée très considérable. Non, sans nul doute, songez que le voyage va s'effectuer dans l'avion présidentiel. C'est un charter très spécial. Comme vous dites, oui. Mais attendez... Pourquoi faut-il surveiller elle chez lui pour l'empêcher de revenir au Rwanda ? Non, mais parce que Marie-Rose se trouve toujours à Paris. Ah ouais, alors il faut pas que elle lui rende visite, c'est ça ? Exactement. Hein ? D'accord, mais les deux hommes de la garde présidentielle guandaise là et ce type des services secrets ne disposent d'aucun pouvoir de police en France. C'est vrai. Et pourtant, tout va se passer comme s'ils avaient réellement l'exorbitant de séquestrer un citoyen français sur le sol français. C'est extraordinaire, ça, raconter. Ça commence à l'aéroport de Maignan, où l'avion présidentiel se pose en janvier 79. Attends, une question avant. Est-ce que le Rwanda a prévenu Paris, là ? Oui, les plus hautes autorités policières françaises ont été informées. Et vous en avez la preuve ? Tout à fait. Le directeur départemental de la police du Lot et Garonne a été averti par la place Beauvau, et la PAF, la police de l'air et des frontières, comme on l'appelait encore, a été également prévenue. Et à Marignane, avant même que l'avion présidentiel ne se pose, on sait qui sont les passagers. Et on sait pourquoi le nommé elle est expulsé. Mais c'est lié avec la présidente. Bien sûr que non. Il est seulement question des accusations qui ont été montées contre lui. Ouais. Et comment ça va se passer alors quand l'avion atterrit ? Elle et ses anges gardiens sont immédiatement conduits dans le bureau du commissaire de la PAF. Ouais, ils sont passés par le circuit habituel ? Non. Et là, Carré, l'ancien policier qui dirige les services secrets guandais, demande tout simplement une voiture de police et une escorte pour convoyer elle à Villeneuve-sur-Lot. Pierre Péan, dans son livre « Affaires africaines », a mené une longue enquête sur ce dossier. Voici comment. Il raconte l'arrivée à Marignane de l'avion du président Douala, continuons de l'appeler ainsi, et la comparution des quatre hommes devant le commissaire Ottavi. Et cela commence de façon assez pittoresque. Je cite Péan. Carré fournit à Ottavi des raisons de sa présence à bord de l'avion différentes de celles qu'il donnera ensuite à la justice. Ils seront à Paris pour faire des emplettes de képi et calot pour certains fonctionnaires qui ne peuvent se fournir en Afrique car ils ont la tête trop grosse. Il affirmera par la suite au policier chargé de l'enquête sur l'affaire L que sa mission principale était d'accompagner Robert L. Les policiers de la PAF, la police des frontières, prennent des photocopies des passeports carrés et dispensés de cette formalité en tant que patron du contre-espionnage Gwande. Il photocopie aussi le décret d'expulsion de L. Carré se comporte dans le bureau de la PAF comme s'il était dans ses services en Afrique. Il s'adresse avec quelque condescendance au commissaire Otavi, explique les raisons de l'expulsion de L. L'inspecteur de la PJ, arrivé de Marseille quelques minutes plus tôt, ne peut s'empêcher de sourire quand Carré parle des 50 grammes de haschich saisis sur L. C'est tellement peu par rapport aux affaires importantes qu'il a l'habitude de traiter. D'un ton autoritaire, Carré demande alors une escorte et une voiture de police pour que les officiers Gwande ramènent L à Villeneuve-sur-Lot. Surprise d'Otavi, L est français. Il est donc libre de ses mouvements puisque rien ne lui est reproché en France. Ce que Carré demande à la police française, c'est de se faire la complice active d'une séquestration arbitraire. Otavi téléphone à son directeur régional de Marseille, puis au cabinet du préfet délégué pour la police à Marseille. Le nombre de policiers et de fonctionnaires ayant eu à connaître du cas L s'accroît d'autant. Le livre de Péan a été publié chez Fayard. À l'aéroport, devant les exigences de l'homme des services secrets Gwande, les policiers font de la résistance. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'embarquer dans une affaire qui leur paraît louche. Exactement. En outre, elle confie discrètement à l'un des policiers présents les vraies raisons de son expulsion. Marie-Rose. Oui. Mmh. Et il est visiblement très effrayé. Par conséquent, les policiers entendent être prudents. Mais le nommé Carré n'est pas décidé à en rester là. Et finalement, excédé, il tend une petite carte au commissaire. Il y est mentionné le numéro de téléphone direct d'un important personnage. Qui ? Écoute, je sais pas exactement, ni précisément, mais cet homme doit se trouver à Matignon, peut-être même à l'Élysée. En tout cas, un simple coup de fil suffit à aplanir miraculeusement toutes les difficultés. Et ces difficultés, alors, c'était... Elle et les deux hommes de la garde présidentielle sont conduits dans une voiture de la PAF à la gare Saint-Charles. Et là, ils prennent le train pour Villeneuve-sur-Lot. Et le nommé Carré, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, fait pas partie du voyage. Boy et Day l'ont assuré qu'il s'occuperait de tout. Je dois aussi ajouter que le commissaire de la PAF a pris soin de se couvrir, il a dû informer sa hiérarchie. D'accord. Il n'empêche qu'il a quand même en partie accédé à la demande des Gwande, hein. Ah, raison d'état, monsieur Pénon. Oh, admettons. Elle est donc conduite sous bonne garde chez lui, là. C'est ça, oui, sous bonne garde, comme vous dites. Encore que les rapports entre ces deux anges gardiens et lui soient étranges. Ils viennent tous les trois du CAFI, ça crée forcément des liens, une certaine solidarité. Ouais. Enfin, ils ont quand même une mission de surveillance à exécuter. Et... C'est vrai. Enfin, vous allez le voir, ils vont commettre des erreurs. En attendant, c'est toujours aussi ahurissant, après avoir conduit elle dans sa famille, les deux hommes de la garde présidentielle se présentent au commissariat de Villeneuve-sur-Lot. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils expliquent en quoi consiste leur mission. Surveiller elle. Surtout l'empêcher d'aller à Paris. Ah oui, ou séjourne la présidente. Je ne pense pas qu'ils donnent ce détail croustillant, mais en tout cas, ces deux hommes qui ont toujours la nationalité française produisent leur ordre de mission de la présidence Gwandès. Ouais. C'est donc une sorte de demande d'accréditation auprès de la police française. Ouais, en tous les cas, ça y ressemble. Et ils précisent aux policiers qu'ils sont armés. Illégalement armés. Évidemment. Et ça n'étonne pas les flics du commissariat de Villeneuve? Non, d'abord parce qu'ils ont été préalablement informés, je vous l'ai dit. Et ensuite, ces policiers sentent bien qu'il s'agit là d'une affaire délicate et qu'il convient de ne pas faire les malins. Alors, revenons sur l'exécution de la mission de Boy et l'autre, là, comment vous l'appelez déjà? Des. Ah oui, des. Ouais. Vous m'avez dit qu'ils vont commettre des erreurs. C'est juste. Elle parvient deux jours durant à leur fausser compagnie. Une disparition que les deux hommes signalent d'ailleurs consciencieusement au commissariat. On est en plein délire. Vous avez parfaitement raison. Et que fait elle pendant ces deux jours là où il disparaît? Vous l'imaginez bien, il est parti à Paris. Retrouver Marie-Rose. Naturellement, elle a loué un avion-taxi. Alors non seulement il est amoureux, mais il dispose de moyens financiers importants. C'est certain, oui. Et d'où vient l'argent? Mystère. Mais plus tard, on retrouvera beaucoup de bijoux chez elle. Des bijoux qui auraient pu être donnés par Marie-Rose? C'est une possibilité, mais enfin avançons. Selon toute évidence, elle voit donc la présidente. Et c'est très risqué, car le président lui-même se trouve à Paris dans l'autre appartement que possède le couple. C'est du vaudeville, maintenant. C'est pas fini, attendez. Après ces deux jours d'escapade, là, elle revient donc chez lui. Et toujours en avion-taxi. Il retrouve sa femme et ses deux anges gardiens. Pas contents, ces deux-là. Bien sûr, parce qu'ils ont failli à leur mission et à mon avis, ils ont dû se faire sérieusement guirlander. Or, on leur demande de renforcer leur surveillance. Pourquoi? Parce que le couple présidentiel Gwande est reparti en Afrique. Mais il doit bientôt faire un nouveau voyage à Paris, au début février, je crois. Et comme dans la capitale gwandaise, on n'a plus qu'une confiance limitée dans les aptitudes de Boy et Day, on décide d'employer les grands moyens. Les grands moyens, c'est-à-dire? Écoutez bien. Ainsi qu'il est prévu, les Douala sont donc de retour à Paris. Comme c'est l'usage, les deux appartements présidentiels des Douala sont protégés par des policiers du service des voyages officiels, les VO, comme on dit. Oui, ça c'est légal. Oui, oui. Mais ces policiers découvrent à proximité de l'immeuble où séjourne Marie-Rose deux voitures occupées en permanence par des hommes. Et tout naturellement, ils font leur travail et demandent à ces passagers de décliner leur identité. Or, ceux-ci refusent et laissent entendre qu'ils sont de la maison. Des policiers, donc. Oui. Mmh. Et comment réagissent les vrais policiers, si je puis dire, des voyages officiels? Ben, ils laissent tomber. Mais le lendemain et le surlendemain, les types sont toujours en planque. Et ils refusent une nouvelle fois de montrer leurs papiers. Alors, le patron des VO prend un coup de sang. Il appelle police secours et il fait embarquer les types. Ils sont quatre, dans un panier à salade. Et tout le monde se retrouve au commissariat? Et là, effectivement, on s'aperçoit que ces hommes sont des policiers appartenant à différents services. Est-ce qu'ils sont en mission, enfin en mission officielle? Ah non, pas du tout, ils sont en congé. Ils ont été recrutés par un certain De Bizet pour exécuter cette mission de surveillance. De Bizet, c'était le patron du service d'action civique, le SAC. Lui-même, De Bizet, qui, tout en étant le patron du SAC, exerce aussi des fonctions de conseiller pour la sécurité auprès de la présidence Grandez. Et ces policiers en congé, là, appartiennent aussi au SAC? Bien sûr. Ça se termine comment, tout ça? Bah, on passe l'éponge. À l'époque, la carte tricolore du SAC est encore un vrai sésame. Mais la conséquence, c'est que Marie-Rose est désormais délivrée de cette pesante surveillance et elle va en profiter. Ouais. Bah oui, mais attendez, elle, lui, il est toujours à Villeneuve-sur-Lot. C'est exact, mais il va pas tarder à s'éclipser une nouvelle fois. Ils sont tout de suite à Paris? Bien entendu. Et il rencontre la présidente? Oui, c'est la complicité de l'entourage de Marie-Rose. Il parvient à entrer en contact avec cette dernière et c'est le vaudeville que je vous annonçais. Racontez le vaudeville. Bah, les retrouvailles ont lieu dans un petit hôtel du centre, mais soudain, on entend un tohu-bohu dans le couloir. C'est le président Grandet en personne qui frappe à la porte. Le vacarme est tel que l'hôtelier appelle la police. Alors vous imaginez la scène. Ouais, scandale aussi. Oui, heureusement, un policier des voyages officiels s'interpose et au commissariat du quartier, on s'empresse d'oublier l'incident. Aucune trace? Aucune, non. Toujours la raison d'État. Évidemment, elle et Marie-Rose vont encore se revoir une ou deux fois et puis ce sera fini. Mais elle a commis une énorme imprudence. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a gardé un témoignage de ses rencontres avec la présidente. Un témoignage? Des enregistrements sonores. C'est délicat. Oui, vous avez raison, mais en exécutant ces enregistrements, elle a sans doute voulu prendre une sorte d'assurance sur la vie. Et il le paiera très cher. Revenons un instant sur la surveillance de Madame Douala. Surveillance assurée à l'initiative de Pierre De Bizet, secrétaire général du SAC. À la suite de la tuerie d'Auriol, une commission parlementaire a enquêté sur les activités du SAC et cela débouchera d'ailleurs sur l'interdiction de cette organisation. Dans le rapport publié par cette commission, j'ai trouvé ceci. On citera enfin comme particulièrement exemplaire la protection privée effectuée à la demande de M. Pierre De Bizet les 5 et 6 février 1979 et concernant la personne de Mme Douala, épouse du président de la République Grandez, par 4 fonctionnaires de police, 2 inspecteurs et 2 enquêteurs, dont 2 étaient à ce moment placés en congé de maladie. Interrogé sur cette affaire, qu'il a d'ailleurs qualifiée de « petit incident », M. Alain Montaras, directeur du service des voyages officiels du ministère de l'Intérieur de 1971 à 1979, précisait devant la commission. Ils ont dû le faire à titre tout à fait personnel. De même qu'il y a des gens qui travaillent au noir, il y a des policiers qui font ce que dans le jargon du métier, on appelle la tricoche, un peu de police privée. Police privée ou police parallèle, ne jouons pas sur les mots. Ce qui est sûr, c'est qu'à une époque où, selon certains, le SAC n'aurait plus été en odeur de sainteté, son secrétaire général n'hésite pas, cependant, à recourir au service de 4 policiers en activité, dont un inspecteur de la DST et un enquêteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Elle ne va donc jamais revoir Marie-Rose? Non. Toutefois, c'est évident, il est toujours amoureux. Et il va multiplier les initiatives pour essayer de reprendre contact avec elle, en vain. Mais tous ces efforts, vous le pensez bien, ne passent pas inaperçus. Il y a en outre quelque chose qui inquiète beaucoup au Ouganda. Quoi, Bah, à tort ou à raison, elle est persuadée que Marie-Rose est enceinte de ses œuvres. Attendez, vous m'avez dit qu'elle était jusque-là stérile. Oui, mais vous imaginez les conséquences, si c'était la vérité. Enfin, inutile de vous faire un dessin. Je crois comprendre, mais... Oui, le scandale. Mais enfin, est-ce qu'elle continue à être surveillée? Oui, mais plus par les mêmes. Ça veut dire que les pseudo-amis de la garde présidentielle, là, sont repartis? Oui, mais je suis certain que ces allées et venues sont observées et que ces conversations téléphoniques sont écoutées. D'ailleurs, l'ordre est venu du plus haut et transmis aux autorités policières. On doit garder l'œil sur elle. Ouais, du plus haut, avez-vous dit, hein? Enfin, je crois que j'ai été clair. À l'Élysée, même si Focard n'est plus en fonction, il existe toujours une cellule africaine. Ouais. Donc elle fait l'objet d'une surveillance policière. Policière et privée. Et privée toujours. Je vous ai déjà prouvé que certaines officines parallèles n'avaient rien à refuser au maître du Gwanda. En outre, on fait comprendre clairement à elle qu'il a tout intérêt à renoncer à revoir Marie-Rose. Des menaces? Bien sûr, mais elle n'entend rien. Il continue à écrire à Marie-Rose, il essaie de lui téléphoner. À chaque fois qu'un Gwandais proche de la présidence vient à Paris, elle se précipite et demande des nouvelles de Marie-Rose. Bref, ce type est impossible. Puis attendez, il y a ces enregistrements qui sont en sa possession. Tout à fait, alors dans ces conditions, le pire est prévisible. Ouais, le pire. Et elle ne se rend compte de rien? Je ne sais pas, il rêve, il pense qu'il est toujours aimé, enfin il vit dans un autre monde. Ouais, alors, le pire? Fin octobre, elle se rend à Paris pour rencontrer un Gwandais qui travaille à la présidence. Puis accompagné de sa sœur, il revient en voiture à Villeneuve-sur-Lot. Il fait nuit quand il se gare sur le parking devant l'immeuble où il habite. Et soudain, deux hommes descendent d'une petite voiture et s'approchent de son véhicule. Que fait elle? Il sort à son tour et marche en direction des deux hommes. Il n'a donc pas peur, hein? En tout cas, ça voudrait dire qu'il connaît ces deux hommes, des blancs, dira sa sœur. Et là, que se passe-t-il, là, sur ce parking? Un des deux hommes sort une arme et tire sur elle, pratiquement à bout portant. Deux balles dans la tête, elle meurt instantanément. Ça ressemble à du travail de professionnel. Contestablement, oui. Et ça veut dire aussi qu'elle était attendue. Oui, enfin les tueurs avaient eu des informations précises sur l'heure du retour de elle. Mais ça ne vous étonnera pas, puisque je vous ai dit qu'il était surveillé en permanence. Ouais. Et la police Elle n'était naturellement pas là. Vous insinuez que les tueurs auraient eu des complices dans la police? Tout est possible. Et l'enquête? Elle est menée très sérieusement par un commissaire de la PJ qui fera beaucoup parler de lui plus tard, Roger Marion. Ah, en effet, oui. Et donc cette enquête? Elle établit sans difficulté que l'assassinat de elle a une relation directe avec la liaison de ce dernier avec l'épouse du président Gwandais. Ouais, la filière gwandaise. Oui, mais Marion a les plus grandes difficultés à rencontrer les témoins utiles. Et disons-le tout net, ses collègues des autres services ne sont guère pressés de lui donner des informations. Pourtant, je vous l'ai dit, elle était surveillée. Bref, enfin, on lui met des bâtons dans les roues à Marion. Oui. Quant au juge d'instruction, il faisait elle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est si vrai qu'il prononce très vite un non-lieu. Il a subi des pressions? Ça me paraît vraisemblable. J'ajoute à la décharge de ce magistrat que de nombreuses pièces ne lui ont pas été communiquées. Certains rapports de police en particulier. Donc c'est un étouffement de l'affaire? Ça en a tout l'air en tous les cas. Il faudra l'arrivée de la gauche au pouvoir, les révélations de vos confrères du Canard Enchaîné, et l'acharnement de l'avocat de la famille L pour que le dossier soit rouvert. Est-ce qu'on découvre alors des éléments nouveaux? Oui. La presse publie des documents prouvant que elle avait fait l'objet d'une surveillance policière. Une surveillance demandée en haut lieu. Donc quatre parts, alors? Oui, pas pour très longtemps. En 1983, un nouveau non-lieu sera prononcé. Alors gauche et droite, même combat? Je ne sais pas, mais enfin c'est vrai que les nouveaux dirigeants français n'avaient guère envie de se fâcher avec notre ami Douala. Toutefois, il y a aussi autre chose. Autre chose, je vous écoute. Le non-lieu a été prononcé parce que la famille, elle, s'est désistée. C'est-à-dire que la famille de la victime a retiré sa plainte? Oui. Il y a eu un arrangement financier, par exemple? Encore une fois, tout est possible, mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que la famille, après la mort de elle, a subi de nombreuses pressions et menaces. Pourquoi? Certains voulaient sans doute récupérer les enregistrements embarrassants détenus par elle. Certains, mais plus précisément qui? Ces gens-là ne sont pas trop difficiles à identifier. Au Gwanda, tout petit pays, il y a beaucoup de pétrole. Il existe des personnages dont pas mal sont issus de nos services secrets qui s'empressent autour du président Douala. Et des barbouzes. Bon, appelons-les comme ça, si vous voulez. Et ces barbouzes agissent par intérêt? Bien sûr. Officiellement, il s'agit pour eux de défendre les intérêts économiques de notre pays et d'Elf en particulier. Officieusement, il s'agit aussi de faire de fructueuses affaires et de financer à l'occasion des partis politiques français. Mais ce que je vous dis là n'a rien d'original. Aujourd'hui, on en parle presque tous les jours dans les journaux. Donc ces hommes-là sont tout dévoués aux autorités gwandaises? Naturellement, ils n'ont rien à leur refuser. Ouais, d'accord, mais enfin, pour revenir à l'assassinat de elle, après tout ce que vous m'avez dit, on peut penser que l'ordre de l'éliminer est venu du Gwanda. Hein. De la présidence, vous voulez dire? Ça me paraît évident. Non. Ces hommes dont nous venons de parler ont en quelque sorte voulu faire un petit cadeau au président Douala. D'accord, je sais que ce mot cadeau est épouvantable, mais je vous assure qu'il correspond bien à la vérité. Ouais, vous voulez donc dire qu'ils ont voulu faire plaisir au président, le débarrassant d'un homme qui avait osé lever les yeux et peut-être autre chose sur son épouse? Je crois que c'est la vérité. Et ils en attendaient à leur tour une récompense? Sans nul doute. D'ailleurs, si vous vous intéressez de très près aux événements qui ont suivi l'assassinat de Hell, vous apercevrez que certains de ces hommes ont été promus, mais enfin, je peux pas vous en dire plus. Et les tueurs eux-mêmes? On a parlé de policiers qui auraient travaillé pour une société de surveillance liée à ces mêmes hommes dont je viens de parler, mais je n'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il s'agit de mercenaires ou de tueurs du milieu. Un contrat. Un contrat, oui. J'ajoute un dernier élément qui ne manquera pas de vous intéresser. Vous vous souvenez de la tuerie d'Auriol? Ah oui, le massacre par des hommes du sac d'un inspecteur de police et de sa famille. Hein. Un inspecteur qui appartenait lui-même au sac. On a dit que les tueurs voulaient récupérer des documents que possédait cet inspecteur. Des documents qu'ils menaçaient de rendre publics. Bien, je pense que parmi ces documents se trouvait quelque chose qui avait un rapport avec l'affaire L. Des cassettes, les enregistrements que L avait fait lors de ses relations avec la présidente? Pourquoi pas? La presse, surtout après mai 1981, s'est beaucoup intéressée aux amours de Marie-Rose Douala et à cette affaire L qui ne sera jamais élucidée. Et dont la conclusion sera une ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 1983. Alors, une dernière fois, je reviens au livre de Pierre Péan publié chez Fayard, Affaires africaines. Le journaliste d'investigation y met en cause à plusieurs reprises des hommes regroupés au sein de ce qu'il appelle le clan des Gwande. Des Français qui ont tous plus ou moins appartenu au service de renseignement. Et je lis, page 226, l'hypothèse la plus sérieuse pour expliquer le crime de Villeneuve-sur-Lot reposerait sur une action du clan des Gwande. L'agitation fébrile de Hell, ses documents compromettants, le risque de faire éclater une guerre fatale entre le clan de Madame et le clan de Monsieur, notamment dans l'éventualité où Marie-Rose aurait été vraiment enceinte, menaçait en effet le pouvoir en place au Gwanda. D'une certaine façon, on peut dire que c'est la liaison de Marie-Rose et de Robert qui constituait une entreprise de déstabilisation du régime Douala. Le service action du clan aurait ainsi prévenu les désirs du président Gwande. Une fois le gêneur supprimé, le clan aurait exercé de fortes pressions sur Douala pour qu'il renvoie l'ascenseur. On peut imaginer que le président Gwande n'a pas pleuré la mort de L. La rumeur laisse naturellement entendre qu'il aurait même manifesté sa reconnaissance financière aux auteurs de ce drame. Il semble bien également que certains seraient allés jusqu'à envisager à l'intérieur du clan de supprimer la source de tous les maux, Marie-Rose.